Le mot pour probablement se dit en chinois. Da gai. Da. Doigt noir pointé vers le sol. Gai. Doigt noir vers le sol. Da gai. Pour dire probablement. Alors dites-vous que c'est probablement une bonne idée de vous débarrasser du tat kai resté dans le congélateur avant que la saison de la chasse ne recommence. Elle est probablement à la maison maintenant. Probablement qu'elle est à la maison maintenant. Ah donc, probablement, elle, maintenant, être à la maison. Oui, c'est ça. Ta kai. Ta. Xian cai. Cai. Jia. Elle est probablement à la maison maintenant. Ta kai. Ta. Xian cai. Cai. Jia. Vous devez toujours vous donner le temps de vous demander qui fait l'action. Quand cela se passe. Et quelle est l'action? Prenez votre temps, rien de presse. À la maison? Voici notre réponse à la phrase. Elle est probablement à la maison maintenant. À la maison? Elle n'est pas à la maison maintenant. À la maison plus le mot interrogatif. 在家吗? Elle n'est pas à la maison maintenant. 她现在不在家. À la maison, elle n'est pas à la maison maintenant. 在家吗? 她现在不在家. Pourquoi dis-tu qu'elle n'est pas à la maison maintenant? Alors, pourquoi? 为什么? Tu dis? Ta. Pourquoi dis-tu? Ni. Shu. Elle n'est pas à la maison maintenant. Alors en français, on dira pourquoi dis-tu qu'elle n'est pas à la maison maintenant? Mais en chinois, on ne met pas le que. On dit pourquoi dis-tu? Puis on cite mot pour mot ce que la personne a dit. Elle n'est pas à la maison maintenant. Pourquoi dis-tu elle n'est pas à la maison maintenant? Donc, pourquoi dis-tu? Oui, shenme ni. Pourquoi dis-tu? Oui, shenme ni shuo. Pas à la maison ou ne pas se trouver à la maison. Elle n'est pas à la maison maintenant. Donc c'est pourquoi dis-tu elle maintenant ne pas être à la maison? Oui, c'est ça. Alors, oui, shenme ni shuo ta xian cai bu zai jia. Pourquoi dis-tu qu'elle n'est pas à la maison maintenant? 为什么你说她现在不在家?